vérité. Prenez quelques textes pour aujourd'hui. Esaïe 52:13. 3 Jean 2. Jean 14:30. 1 Jean 3:8. Matthieu 16:18. Et puis Exode 3 à 15. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Esaïe chapitre 52 verset 13, nous avons lu cela depuis le commencement. Le prophète Esaïe dit, parlant de Christ, le Sauveur, il dit, mon serviteur prospérera, il se levera, très haut. Mon serviteur prospérera. Dans 3 Jean 2, il est écrit, je souhaite que tu prospères en tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ces deux textes distillent la pensée du progrès, des avancées de la vie. Et Dieu, depuis le commencement, lorsqu'il a créé l'homme, il a voulu que l'homme progresse. Il a confectionné l'homme avec les capacités, les potentiels de le faire avancer. Lorsque tu n'avances pas, lorsque tu n'évolues pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Sinon, nous pouvons porter plainte contre Dieu. Et si on portait plainte, on les porterait chez qui? On pouvait dire, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre pour échouer? Avons-nous raison? Est-ce que Dieu m'a envoyé sur la terre pour échouer? C'est pourquoi nous avons dit que la pensée globale de ce séminaire s'articule autour de 3 choses. La volonté de Dieu de nous faire avancer, ou l'invitation de Dieu à avancer dans notre destinée. La deuxième chose, la réponse de Dieu, la réponse de l'homme, je veux dire, notre réponse à l'invitation de Dieu, une réponse positive où nous acceptons son appel, nous acceptons ce qu'il propose. Ça, c'est la deuxième chose capitale. Et la troisième chose qu'il faut retenir, c'est que Dieu s'engage pour appuyer et faire réussir ceux qui acceptent de réussir, ceux qui acceptent d'avancer. Je vous ai donné hier un devoir, chacun d'essayer de faire la synthèse de ce qu'il a appris durant 2 semaines. Alléluia. Amen. Je peux vous donner 1 minute pour le feedback. Ok, prends là où tu as noté. Angalia pale ambapo uliandika. Et tourne-toi vers une personne. Ugeukie jirani yako mmoja. Et dis-lui ce que tu as retenu pendant les 2 semaines. Na umwambie ile umeshika kwa wiki mbili. Vous n'avez qu'une minute chacun. Kila mtu ana dakika moja ya kusema. Allons-y. Karibu. Allons-y. Quelles sont les grandes lignes, quelles sont les choses que tu as retenues? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé durant ces 2 semaines? Allez-y, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tourne-toi à quelqu'un. Hebu hakikisha kama unaongea na jirani. Rapidement, dans une minute, dis-lui ce que toi tu as été, ce qui t'a béni, ce que tu as gagné durant ces deux semaines. Ile ambayo umefaidia kwa mkutano huu. Ok, les suivants, les suivants. Mwambie jirani aliye ngambo ingine. Que les suivants aussi parlent. Sikiliza mwingine na kwambie. Pas trop parler, dis juste l'essentiel. Uwe mfupi. Qui n'a pas parlé? Nani mwenye jaongea? Qui n'a pas eu quelqu'un à qui parler? Nani mwakupata wa kuongea naye? Bwana sifiwe. Amen. On acclame le Seigneur. Hebu tumchapie Bwana makofi. Alors ces quatre textes que nous venons de lire, izi usomi ini ambazo tumesema, nous donne quatre pensées. Inatupa mawazo ine. La première, c'est celle-ci. Wazo ya kwanza ni hii. Dans Isaïe 52, 13 et 3 Jean 2, ndani ya Isaya makumi tano il ressort mbili, tatu que na l'Éternel Yahweh a une volonté na Yohana watatu, apo Mungu anakuwa sur na l'existence haja de chaque individu sur la terre. Mungu anaisia juu ya kila kiumbe duniani. Et ce n'est pas une mauvaise volonté. Na haiko hisia mbaya. L'Éternel a des bonnes pensées sur toi. Mungu ana mawazo mazuri juu yako. Même lorsque tu te regardes dans le miroir et tu penses que Dieu t'a mal fabriqué. Hata unajiona ndani ya kioo unakuta kama Mungu amekuumba vibaya. La Bible dit Dieu a fait toutes choses pour un but. Mungu anasema kwamba amefanya yote kwa lengo. Découvre le but. Tafuta kujua lengo ya Mungu. Et tu seras heureux. Na utakuwa mwenye heri. Il y a un but glorieux. Kuna lengo kubwa la utukufu. Pour chacun. Kwa ajili ya kila mmoja. Je vous ai montré le frère Nick. Nimeonesha ndugu Nick. Devenir un grand homme de Dieu qui rassemble des foules. Amekuwa mtumishi mkubwa wa Mungu anaita maumati ya watu. Kutana ni brani ni membre inférieur. Ana miguu wala mikono. Et qui dira toute sa jeunesse. Na kwa muda wote wa ujana wake. Était en train de discuter avec Dieu pour dire pourquoi tu m'as fait ça. Alikuwa anambia Mungu na kulialia kwa nini umenifanya hivi. Pourquoi seulement moi? Kwa nini mimi tu? Il voulait se suicider autant de fois. Kwa muda fulani alitamani kujua. Jusqu'au jour il a compris. Hadi siku ambapo alielewa. Que même ces morceaux d'homme. Ya kama hata hiki kipande kipande ya mtu. Dieu a des objectifs glorieux pour ça. Mungu anakuwa na lengo kubwa juu yake. Et aujourd'hui il vit cette gloire là. Na leo anaishi hiyo utukufu. Il a une belle femme. Ana mke mrembo. Et de beaux enfants. Na watoto wazuri. Dieu a un but. Mungu ana lengo. Ça c'est la première chose. Hiyo ni jambo la kwanza. Deuxième chose. Jambo la pili. Dans Jean chapitre 14 verset 30. Yohana 14 verset 30. Jésus dit. Yesu anasema. Le prince de ce monde vient. Wa mfalme wa ulimwengu hii anakuja. Mais il n'a rien à moi. Lakini ana kitu ya hakuna kitu yake ndani mwangu. Le prince de ce monde vient. Mufalme wa ulimwengu hii ana rien à moi. Ndani mwangu hakuna kitu chake. Ceci fait appel à une chose. Hiyo inaitisha kitu moja. L'état intérieur hali ya ndani de Christ ya Kristo, mais aussi un appel à chacun de nous. Na ni mwito kwa kila mmoja wetu. Nous devons atteindre le standard tufikilie lengo où le prince de ce monde ambapo mfalme wa ulimwengu n'ait pas quelque chose en nous. Asiwe na kitu kyake ndani mwetu. Les hommes et les femmes qui avancent, wanaume na wanawake ambao wanasonga mbele, ce sont ceux qui n'ont pas de dette du diable. Ni wale ambao hawana deni ya shetani. Quand il y a des dettes du diable, wakati una deni ya shetani, à tout moment kwa wakati wote, il va tirer sur la ficelle, atakokota kamba, et il va t'arrêter na atakufunga, soit pour t'envoyer en affaire tout de suite, ili kwamba kutume kwenye jena, soit pour t'empêcher de progresser, ama akuzuize kuendelea, ou te garder sur place, ama akuweke nafasi moja. Jésus dit, Yesu anasema, le prince de ce monde vient. Mfalme wa ulimwengu hii anakuja. Rien à moi. Ndani mwangu hakuna kitu chake. Autrement dans mon être intérieur. Inamaanisha ndani ya utu wangu wa ndani. Dans mon système de fonctionnement. Ndani ya hali yangu ya kutumika. Dans mon corps. Ndani ya mwili wangu. Dans mes principes de vie. Ndani ya kanuni zangu za maisha. Dans ma manière de concevoir les choses. Ndani ya namna yangu ya kuona mambo. Dans ma façon de voir la vie. Ndani ya namna yangu ya kuona maisha. Le diable n'a pas quelque chose. Ana kitu. Et vous pouvez constater que grâce à cet état intérieur de Christ, kupitia hali njema ya Kristo ndani mwake, personne ne pouvait le résister. Hakuna mtu angelishindana naye. Même lorsque les hommes hata wakati ont essayé de prendre la peau des amis de Jésus pour dire nous allons de ton côté face à la mort, c'était aussi une façon de résister à la destinée de Christ. Si ton parcours, c'est que tu dois passer dans ces feux et quelqu'un t'empêche d'y passer, il est possible que quelqu'un joue la carte de l'ennemi. Kama umeitwa kupita ndani ya moto na mtu anakuzuiza kupita katika moto hiyo, yawezekana huyo mtu anafanya kazi ya shetani. Pierre dit à Jésus. Petro anamwambia Yesu. Tu ne mourras pas. Hautakufa. Jésus lui répond. Yesu anamwambia. Arrière de moi Satan. Pita nyuma yangu shetani. Pierre pouvait se fâcher et dire, mais tu peux azandengeni. Petro angelisirika na kusema huyu mtu yuko namna gani? Je vais parler pour lui. Niko namtetea. Et puis me chasse comme Satan. Ananifukuza akinifananisha na shetani. Lorsque tu as une destinée, wakati una hatima. On va parler tout à l'heure. Tutaongea juu ya hiyo. La destinée, hatima, n'est pas une arrivée. Haiko kufika. La destinée, hatima, n'est pas une malle d'argent. Haiko pesa kubwa. La destinée, hatima, n'est pas des cadeaux qu'on reçoit. Aiko gift ya la destinée, pokea, c'est un voyage. Inakuwa safari, hatima yako. Mais c'est un voyage ni safari dans lequel tu réponds à des besoins. Ambamo unakuwa ukijibu kwa maaja mbalimbali. Jusqu'à ce que tu termines ta course sur hali la terre. Hadi jinsi utamaliza safari yako chini ya jua. Tu réponds à des besoins. Unajibu kwa mahitaji. De sorte que ceux qui ont découvert leur destinée, inafikia wale waliogundua hatima yao. Ce sont ceux qui ont compris quel est le potentiel, quelles sont les dotations qui sont en eux. Ni wale wameelewa zawadi walizonazo. Et à quel besoin ces dotations sont destinées. Na wanaelekeza hizo uweza kwa kujibu kwa jambo fulani. Quand j'ai compris, wakati ninaelewa, que Dieu m'appelle à son service au ministère, ya kama Mungu ananiita kumtumikia, et qu'il a mis des dotations en moi, na ameweka vipaji ndani mwangu, je passe ma vie napitisha à répondre aux besoins des âmes. Nikijibu kwa haja ya nafsi. Ma gloire, utukufu wangu, c'est de te voir évoluer. Ni kukuona wewe unaendelea. Ma joie, furaha yangu, c'est de te voir guéri. Ni kukuona unapona. Mon bonheur, heri yangu, c'est de te voir recevoir les dispensations que Dieu a mis en moi. Nikukuona unafaidia na yale mambo Mungu ameweka ndani yangu. C'est de te voir quitter le point A vers le point B. Nikukuona unatoka kwa pointi ya kwanza na kupita kwa pointi ya pili. C'est de te voir sortir de la honte. Nikukuona unatoka katika aibu. Et accéder à la gloire et à l'honneur. Na unafikia heshima na utukufu. Sortir d'un visage rafrogné. Kutoka katika uso ya kujama kujama. Kwa uso unaongaa. Sortir des ténèbres dans la tête. Kutoka kutosha giza kichwani. À la lumière de Dieu dans ton esprit. Na nuru ya Mungu ingie kichwani pako. Sortir du vagabondage. Utoke ndani ya kuzunguka zunguka. À une ligne de conduite. Na ujipange sawa sawa. À une route tracée. Ufuate njia kamilifu. À un avenir qui est significatif. Ufuate kesho iliyo njema. À un avenir de gloire. Utembelee juu ya kesho ya utukufu. Donc, inamaanisha, ma destinée, hatima yangu, consiste, inakuwa, à répondre à vos besoins. Ikijibu kwa haja zenu. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Hadi wakati Yesu atakuja. Si je veux être heureux, kama natamani kuwa mwenye heri, il faut que je me retrouve, yani bidi nijikute, dans cette cadence, katika hiyo hali, entre le potentiel à moi, inakuwa zawadi nilizonazo, et le besoin à pourvoir. Na haja za kujibia. Ta destinée est localisée là-bas. Ni hapo hatima yako. Lorsque tu localises les besoins à pourvoir, wakati unaona haja za kujibia par rapport aux dotations qui sont à toi par Dieu, kulingana na vipaji Mungu amekupa, tu es heureux. Wewe ni mwenye heri. Tu es heureux. Uko mwenye heri. Tu vas pas tâtonner comme en plein jour. Hautapapasa papasa mambo. tu sauras où tu vas. Utajua wapi unakwenda. Et tu sauras comment tu y vas. Na jinsi gani unaenda. Et tu vas refuser tous les apports. Tu vas refuser tous les apports qui ne correspondent pas à ton appel. Na hapo utakataa mambo yote isiyoungana. Tu vas rejeter toutes les opportunités, même les prétendues portes ouvertes. Na utakataa zingine fursa. Les prétendues portes ouvertes qui n'ont rien à faire avec ce qui est en toi et les besoins à pouvoir. Connaître ta destinée, ça sécurise. Kujua hatima yako inakupa ukingo. Ça te sécurise. Inakupa ukingo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit, Paulo, je donne des coups de poing, non comme battant l'air. Ninapiga, apana kama vile mtu mwenye kupiga hewa. Alors, lorsque le prince de ce monde n'a rien de lui en moi, wakati mfalme wa dunia hii, hakuna kitu chake ndani mwangu. Je suis éligible. Ninakuwa ninastahili. Accomplir ma destinée. Kwa kutimiza hatima yangu. Le troisième texte. Usomi wa tatu. 1 Jean 3:8. Yohana wa kwanza 3:8. Dit le fils de l'homme a apparu. Nasema mwana wa mtu alikuja. Afin de détruire les œuvres du diable. Ili kwamba avunje kazi za shetani. C'est-à-dire. Inamaanisha. Le prince de ce monde n'a rien à moi. Mfalme wa dunia hii ana kitu chake ndani mwangu. Mais je suis venu sur la terre. Lakini nimekuja duniani. Afin de détruire les œuvres du diable. Ili nivunje kazi za shetani. Lorsque dans ta destinée. Wakati katika hatima yako. Tu sais où tu vas. Unajua wapi unakwenda. Comprends. Elewa. Qu'il y a un ennemi à ta destinée. Ya kama pana adui katika njia ya hatima yako. Il y a des activités contraires. Kuna kazi za upinganizi. À ta destinée. Kwa hatima yako. Et que une facette de ta mission. Na picha moja ya misioni yako. Une facette de ta mission. Picha moja ya misioni yako. C'est de combattre celui qui te combat. Ni kupiganisha. C'est de détruire les œuvres du diable. Kuharibu kazi za shetani. C'est de soumettre le prince de ce monde. Kuketisha mfalme wa ulimwengu hii. Pour qu'il te laisse le passage. Ili kwamba kuachie njia. Afin que tu avances et tu arrives où tu vas. Ili kwamba usonge mbele na ufike kule unaendea. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Wa Kristo wengi leo. Vivent comme s'ils sont déjà arrivés. Wanaishi kama jinsi wamefika tayari. Ils refusent de considérer. Wanakataa kukubali. Ils ont un ennemi. Ya kama wana adui. Et cet ennemi, c'est un ennemi commun à nous tous. Na yule adui ni wetu sote. C'est le même ennemi. Ni yule yule adui. Il a été ennemi à Adam. Alikuwa adui wa Adamu. Il a été ennemi à Abraham. Alikuwa adui wa Abraham. Il a été ennemi de Jésus. Alikuwa adui wa Yesu. Il est ennemi de toi et de moi aujourd'hui. Na ni adui wako na wangu leo. Mais l'information glorieuse est la suivante. Habari njema ni hii. Le fils de l'homme a paru. Mwana wa Adamu alikuja. Afin de détruire les œuvres du diable. Ili kwamba avunje kazi za shetani. Dans Romains 8:18 il est écrit. Katika Warumi 8:18. Le monde soupire après l'apparition des fils de l'homme. Ulimwengu unasubiri sana kuonekana kwa mwana wa mtu. Le monde attend le fils de Dieu. Ulimwengu unasubiri kuona mwana wa mtu. Le premier fils est venu Jésus-Christ. Amekuja wa kwanza Yesu. Il a fait sa part dans ce combat. Alifanya sehemu yake katika vita hiyo. Et il a laissé le combat à nous. Na ametuachia sisi vita. Il est écrit. Imeandikwa. Jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. Mpaka adui wake wote watiwe chini ya miguu. Jésus est la tête de l'église. Yesu ni kichwa ya kanisa. L'église est le corps de Christ. Kanisa lina kuwa mwili wake. Il va soumettre ses ennemis. Ataketisha adui zake chini. Par les pieds du corps. Kupitia miguu les ya mwili. Les pieds ne sont pas au cou de la tête. Kiwiliwili, miguu ya kiwiliwili. Avez-vous un homme dont les pieds sont ici? Mumeona mtu ambaye anakuwa na miguu mshingo ama kukichwa? Sauf dans les dessins animés. Isipokuwa katika madessins animés. Nous sommes le corps de Christ. Tuko mwili wa Kristo. Et c'est le corps qui a les pieds. Na ni mwili ndio unakuwa na miguu. Donc, inamaanisha. Le fils de l'homme a paru. Mwana wa mtu amekuja. Afin d'écraser les œuvres du diable. Ili kwamba avunje kazi za shetani. Jésus a fait sa part à la croix. Yesu amefanya sehemu yake msalabani. Il a laissé la mission à l'église. Ameachia misioni kanisa. Pour que l'église exerce ses pieds. Ili kwamba kanisa itumie miguu yake. Pour écraser la tête du diable. Kwa kupasua kichwa cha shetani. Tu peux essayer. Unaweza kujaribu. Vous sentez ce mouvement là? Unasikia hiyo shindo? Vous sentez ce mouvement là? Hiyo shindo mnaielewa? Ce mouvement qui devait qui devrait subsister jusqu'à ce que la trompette sonne. C'est-à-dire, et la création, et les êtres humains, tous attendent que des fils apparaissent. Que des filles apparaissent. Watoto wa Mungu wa et ces filles, c'est toi et moi. Na wale watoto ni wewe na mimi. Regarde si les voisins comprennent ce que je dis. Angalia kama jirani anaelewa yambo ninasema. Dis-lui, le pasteur dit que c'est toi. Mwambie mchungaji anasema kwamba ni wewe. Le fils de l'homme a apparu. Mwana wa mtu ameonekana. Afin de détruire les œuvres du diable. Ili kwamba avunje kazi za shetani. Lorsque les fils au pluriel apparaissent. Wakati wana wa mwana wa Mungu wanaonekana. C'est pour détruire les œuvres du diable. Ni kwa kuweza kuvunja kazi za shetani. Il y a des fils ici. Je pana wana wa Mungu hapa. Il y a des filles aussi. Pana binti wa Mungu. OK. Lorsque vous lisez ce texte, vous sentez que Jésus ne mentionne pas multitude de choses. Il dit, pour détruire les œuvres du diable. La stagnation, le recul, la disparition de nos avancées, c'est l'œuvre du diable. Alors que nous-mêmes, sur lequel le diable opère de cette façon, nous avons le mandat et la mission de détruire ses œuvres. C'est pourquoi à partir de 2019 et de ce programme, mon frère accepte d'être un guerrier. Dis-lui au voisin, accepte d'être guerrier. Ambia jirani uo mpiganaji vita. Le temps de loisir est fini. Muda wa kucheza cheze imekwisha. Le temps de blague est fini. Muda wa kuzembea umekwisha. Il faut que le diable sente. Yabidi shetani aelewe. Il y a une poignée d'hommes et de femmes à Goma. Ya kama pana sehemu ya watu Goma ambao wamelewa. C'est fini. Ya kama mambo imekwisha. Il va plus jouer sur eux. Ata cheza tena juu yao. Il y a quelqu'un qui doit prendre conscience qu'il ne va plus laisser au diable ce qui lui appartient. On a trop abandonné les choses au diable. On s'est trop soumis à Satan. Avant la fin de ce programme, quelqu'un doit comprendre que c'est fini. Quelqu'un doit dire c'est fini. Est-ce que tu peux le dire avec moi, c'est fini. Sema imekwisha. C'est fini. Imekwisha. Je suis mandaté nimepewa de mamulaka détruire les œuvres du diable. Ya kuharibu kazi za shetani. Satan, tu vas me rencontrer si ta route. Shetani utanikuta kwenye njia yako. Comme un homme de feu. Kama mtu wa moto. C'est pas un homme qui plonge, qui plie. Haiko mtu anayekunjama kunjama. Non, c'est un guerrier. Ni mpiganaji vita. C'est un lion. Ni simba. Notre chef s'appelle un lion. Bwana wetu anaitwa simba. Le lion de la tribu de Juda. Simba la kabila la Yuda. Il est le lion terrible. Ni simba ya ajabu. Un lion qui distille du feu. Simba ina un lion qui répare du feu. Simba ina c'est un lion terrible. Ni simba ya c'est ce qu'il veut que tu deviennes. Jomani anataka uwe hivo. Il est venu comme un agneau. Alikuja kama mwana kondo. Pour nous sauver. Ili kwamba tuokoe. Mais il a fini la mission de l'agneau. Alimaliza kazi ya ukondo. Il est maintenant la mission du lion. Leo anakuwa na kazi ya simba. Pour faire de chacun de nous des lions. Ili kwamba kila mmoja wetu awe simba kama yeye. Quelqu'un doit commencer à rougir comme un lion. Mtu aanze kunguruma kama simba. Oh non, wachawi wanatembea kumanjanja. Les sorciers me tourmentent. Rugis comme un lion. Nguruma kama simba. Ananguruma simba wa Yuda. Ananguruma simba wa Yuda. Ananguruma simba wai. C'est simba là, c'est toi, allez-y. C'est lion, c'est toi, vas-y. Simba wa Yuda. Anangu. Chante avec conviction. Simba wa Yuda. C'est toi le simba question. Vous êtes quel genre de lion? Vous ne chantez pas. Simba wa Yuda. Même l'agneau va venir te manger, toi, les lions. Hata. On peut les chanter avec colère. Chantons avec colère. Tu menaceras. Ananguruma. Ayez les restes. Ayez les restes en chantant. Simba wa Yuda. Les lions de la tribu de Juda. Ce sont des guerriers qui chantent. Rigis. Simba wa Yuda. Les lions de la tribu de Juda. Rigis. Simba wa Yuda. Ananguruma. Simba wa Yuda. Ananguruma. Quelqu'un doit entrer en colère. Simba wa Yuda. Ananguruma. Simba wa Yuda. Ananguruma. Simba wa Yuda. Ananguruma. Simba wa Yuda. Ananguruma. Écoutons les Simba féminins. Les Simba féminins, allez-y. Où sont les lions? Simba féminin, allez-y. Les lions. Les Simba féminins. Simba wa Yuda. Ananguruma Simba. Encore, encore. Les Simba féminins, on veut vous écouter. Devenez des Simba. Les lions, les diables se moquent souvent des femmes. Nous voulons écouter les lions dans cette salle. Allons-y, chanter. Simba féminin, on y va. Chantez avec vigueur. Simba wa Yuda. Ananguruma. Simba wa Yuda. Et les Simba masculins, les Simba masculins. Les lions maintenant. Simba wa you, on y va. Simba wa Yuda. Ananguruma. Simba wa Yuda. J'aime écouter les voix des hommes. Simba wa Yuda. Ananguruma. Simba wa Yuda. Ananguruma. Les hommes, les hommes. Simba wa Yuda. Ananguruma, Simba wa Yuda, Ananguruma. Écoutez, écoutez, écoutez. La parole de Dieu est la vérité. Neno la Mungu ni kweli. En fait, tu es un lion. Wewe ni Simba. Qui s'ignore. Aujijui. Salue lion qui est à côté de toi. Salimia Simba moja aliye karibu nawe. Mwambie. Jitie nguvu. Hallelujah. Alléluia. Amen. Le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Mfalme wa dunia anakuja hakuna kitu chake ndani mwangu. Et moi je suis venu comme lion. Na mimi nimekuja kama simba. Pour détruire les œuvres du diable. Ili kwamba nivunje kazi za shetani. Et le quatrième texte dit ceci. Na usome wa ine unasema hivi. Matthieu 16:18. Matayo 5:18. Je bâtirai mon église. Nitajenga kanisa lango. La mort et le séjour des morts. Mauti na adesi. Ne prévaudront point contre elle. Awataishinda kamwe. Je vous ai déjà expliqué ce verset. Nimewahi kuwafasiria usoni. Je bâtirai mon église. Nitajenga kanisa. De telle manière que. Kwa namna jinsi. Je travaillerai sur ma destinée. Nitatumika juu ya hatima yangu. De telle manière que. Kwa namna jinsi. Je vais avancer dans ma destinée. De telle manière que ni la mort, ni le séjour des morts ne prévaudront point contre ma destinée. Vous voyez ça? Quand Jésus parle, quand il sort de son trône pour venir la terre, il vient pour bâtir l'église. Et il dit, je vais bâtir l'église de telle manière que la mort et le séjour des morts ne prévalent pas. C'est quoi ce que tu fais, Jésus? Je travaille sur ma destinée. Lorsque les chrétiens appliquent ça sur sa propre vie, maishani mwako. Il peut le dire comme ceci. Wanaweza sema hivi. Je bâtirai ma destinée. Nitajenga hatima yangu. De telle manière que. Kwa namna jinsi. Ni la mort. Hata mauti. Ni le séjour des morts. Ama adesi. Ne prévaudront point contre. Awatashindana nami. Tu peux dire ça avec moi? Waweza kuyasema pamoja nami. Je bâtirai ma destinée. Nitajenga hatima yangu. De telle manière que. Kwa namna jinsi. Ni la mort. Mauti. Ni le séjour des morts. Na adesi. Ne prévaudront point contre. Awatashindana nami. Vous comprendrez ceci. Mutelewa hivi. Pour que tu sois capable de parler comme cela. Ili kwamba uongee hivi. Tu dois savoir qui tu es. Inabidi ujue uko nani. Jésus ne dit pas nous bâtirons mon église. Yesu aseme tutajenga kanisa langu. Il dit je. Anasema nitajenga. Il anajua iko nani. Il sait que l'ennemi n'a pas de choses en lui. Anajua kwamba shetani ana mambo yake ndani yake. Il sait qu'il n'a pas de trucs du diable en lui. Ana hakuna ndani mwake mambo ya shetani. Anajua. Qu'il est venu ya kama amekuja. Pour détruire les œuvres du diable. Kubomoa mambo ya shetani. Alors il y va. Ndio maana anakwenda. Et il termine sa mission. Na amemaliza kazi yake. Avec les phrases comme celle-ci. Na misemo kama haya. Tout est accompli. Yote imetimilika. Quelqu'un dira bientôt Muto atasema usoni pour sa destinée. Kwa ajili ya hatima yake. Lorsqu'il va se retrouver embrassé par Jésus au ciel. Atakapokumbatiwa na Yesu mbinguni. Il dira Seigneur. Atasema Bwana. J'ai tout accompli. Nimemaliza yote. En ce qui concerne ma destinée. Kuhusu hatima yangu. C'est triste. Ni ole. Si tu arrives au ciel kama unafika mbingu, et que tu n'es accompli que 3% de ta destinée. Na umefanya tu asili tatu juu ya mia ya hatima yako. Dis je dois accomplir le maximum. Sema nitatimiza hatima yangu yote. Le maximum. C'est pourquoi nous sommes engagés de dire ndio maana tumejitoa kusoma. Seigneur. Kusema, je veux être responsable. Nahitaji kuwa mshamuka. Ces choses sont possibles que yale mambo inawezekana. Tu acceptes d'être responsable. Kama unahitaji kuwa. Amen. Amen. Il est responsable ici. Chepa na mtu mzima hapa. Acclame Dieu pour ta destinée. Mshangilie Bwana kwa ajili ya hatima yako. Alors, en résumé de ce point que nous venons de parler, ce texte, il ressort que vaincre la stagnation est possible si et seulement si. Si et seulement si, deux points. Premièrement, jambo la kwanza. Nous prenons conscience et la volonté de Dieu de nous faire progresser vigoureusement. Tunachukua dhamiri ya mapenzi ya Mungu kutusogeza mbele. Deux. Ya pili. Nous travaillons notre état intérieur. Tunatumika juu ya hali yetu ya ndani. C'est-à-dire. Inamaanisha. Nous nettoyons notre vie spirituelle. Tunajisafisha kiroho. Nous nettoyons notre mental. Tunasafisha akili yetu. Et nous nettoyons notre mode opératoire. Na tunasafisha namna yetu ya kutumika na kutembea. Nous avons partagé au courant la semaine. Katika wiki zilizopita tulisema que la cible de l'ennemi pour nous faire stagner est à trois niveaux. Ya kama kuna vitu tatu shetani anawinda ili kwamba tuangushe chini. Le domaine de notre esprit. Anaangalia roho yetu. Le domaine de notre mental. Akili yetu. Et nos actions. Na matendo yetu. C'est cela. Njo hii. C'est-à-dire le spirituel. Kiro. Notre mental, akili, ou notre mentalité, ama namna yetu ya kutumika kiakili, et puis notre mode opératoire, na namna yetu ya kutenda, notre système de pensée, système de fonctionnement, hali yetu ya kutumika. Alléluia. Amen. Trois. Jambo la tatu. Nous comprenons, tunaelewa, clairement notre appel, kwa kweli kweli, et nous nous engageons à l'accomplir. Mwito wetu na tunajitoa kuyatimiza. Et quatre. Nous acceptons de payer le prix pour notre destinée et combattre avec Dieu pour son accomplissement. Et entreprendre des actions nécessaires, sages, utiles, ya mana, intelligent, ya akili, avec l'appui de Dieu. Pamoja na msaada wa Mungu. Je voulais ce soir essayer de répondre à un besoin que j'ai ressenti dans notre assemblée. Nijibu kwa haja niliona katika mkutano. Depuis que nous avons commencé, tangu tumeanza, chaque jour nous faisons des combats contre la stagnation. Tunapigana vita tukiomba kupinga kushinda kufa. Et Dieu m'a dit, nafasi moja Mungu ameniambia. De vous expliquer ceci. Niwafasirie hivi. Que la stagnation, kubaki fasi moja, c'est un phénomène inakuwa hali que nous risquons de rencontrer tout le long du parcours. Inakuwa kitu ambacho tutakuta katika njia yetu yote. Je vais mieux dire. Tasema vizuri. Les attaques vita à notre progression, kwa kuendelea kwetu, les attaques à nos avancées, vita kwa kusonga kwetu mbele, c'est un phénomène, ni hali ya, c'est des combats, ni vita que nous risquons de rencontrer, ambao tunaweza kukuta, tout le long de notre parcours, katika safari yetu yote. Suivez-moi bien. Munisikie vizuri. Tu as compris aujourd'hui que tu fais face à une forme de stagnation ou d'attaque diabolique pour te faire stagner. Après avoir vaincu les attaques d'aujourd'hui, tu vas avancer. N'est-ce pas? Sivyo. Mais lakini, rappelle-toi qu'il est possible que quelque part devant tu rencontres encore tena d'autres attaques vita vingine pour te faire arrêter. Ili komba vikusimamishe. C'est ça le message de ce soir. Ndio ujumbe ya leo. Beaucoup de gens watu wengi n'ont pas eu réussi à avoir des avancées vigoureuses et continuelles. Hawakufikiria kusonga mbele na shindo tena mbali zaidi. C'est ça notre sous-thème ce soir. Ndio mada yetu ya leo. Marcher, kutembea dans notre destinée, katika hatima yetu, de manière vigoureuse na nguvu tele et continuelle na kwa hali ya siku zote. Quelqu'un a capté ça? J'ai pas na mtu ameshika hiyo. Nous devons marcher inabidi tutembee dans nos avancées ndani ya kusonga de manière vigoureuse comme des lions katika hali ya nguvu kama simba mais aussi continuelle na siku zote. Parce que la destinée c'est un voyage. Sababu hatima inakuwa ni safari. La destinée n'est pas un point d'arrivée. Hatima sio nafasi ambapo tunafikia. C'est un voyage. Ni safari. Et au courant du voyage. Na muda wa safari. Le long du voyage. Muda wa safari. Nous allons rencontrer tutakuta des phases d'attaque. Vipengele vya vita. Nous allons rencontrer tutakuta des circonstances majira qui nous arrêtent, itakayotusimamisha, qui nous résistent, itakayotupinga. Et nous devons nous armer dès maintenant. Inabidi tuvae mavazi comprendre ya vita que je vais vaincre maintenant. Ukisema nitashinda leo, je vais vaincre demain, nitashinda kesho, je vais vaincre l'année prochaine, nitashinda mwaka kesho, je vais vaincre à 2030, nitashinda kwa mwaka wa 2060. Na kwa mwaka je vais vaincre même la veille de ma mort. Hata kabla mimi kufa nitashinda. La veille de ma mort. Hata kabla mimi kufa nitashinda. Nitashinda. Pale ba si mnakuwa découragé. Asembani bya nguvu. Haiko bya nguvu. Si vigumu. Si tu ne captes pas cela, kama uelewe jambo, tu vas avoir une victoire aujourd'hui. Utakuwa na ushindi leo. Et très vite demain. Na kesho. Face à une nouvelle oppression, mbele ya vita mpya, un nouveau combat, mbele ya vita mpya, tu vas commencer à pleurer. Utaanza lia lia. Je croyais que c'est fini. Mungu nilizani imekuisha. Achara 2019 tu nous as dit qu'on va vaincre, non? Mano nilisema tutashinda kwa mwaka wa 2019. Ona tena. Regarde maintenant ce qui m'arrive. Ona bibi nanifikia. Le vainqueur d'aujourd'hui, washindi wa leo, sera le vainqueur de demain. Atakuwa tena mshindi wa kesho. Je répète. Le vainqueur d'aujourd'hui, mushindi wa leo, sera le vainqueur de demain. Atakuwa mushindi wa kesho. Ou doit être le vainqueur de demain. Mushindi wa kesho. Si tu échoues aujourd'hui, ukishindwa leo, tu ne sais pas espérer pour vaincre demain. Usitumainie kama utashinda kesho. Parce que les victoires d'aujourd'hui, mana ushindi wa leo, nous donne les leçons, inatupatia mafundisho, pour affronter les combats de demain. Ya kutusaidia kupambana vita kesho. Nous allons prendre le cas d'Israël. Tunakamata mfano wa Israeli. Israël 400 ans en Égypte. Miaka 400 Misri. Ils sont devenus esclaves. Wamekuwa watumwa. Ils n'étaient pas partis en Égypte comme esclaves. Hawakwenda watumwa Misri. Et puis l'ennemi a commencé à attaquer leur vie. Nadui akaanza kushambulia maisha yao. Les progrès qu'ils avaient, maendeleo waliokuwa nayo, ont commencé à disparaître. Ikapotea. Leur vie a commencé à sombrer dans l'esclavage. Maisha yao ikaanza kuwa ya utumwa. Et le pharaon a mis vraiment les pieds sur leur tête. Na mfalme farao akawakanyaga kufichwa. Ils ont commencé à pleurer. Wakaanza kulia. Jusqu'à ce que Dieu a envoyé Moïse. Hadi wakati Mungu amemtuma Musa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première barrière, j'appelle ça les barrières dans le parcours d'Israël, kizuizo de l'Égypte en Canaan. Les barrières dans le parcours kizuizo d'Israël safari, de l'Égypte à Canaan. Ya Israël kutoka Misri kwenda Canaan, kizuizo ya kwanza. Sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Je pana mtu kunaelewa mambo hiyo ni leo. Est-ce que vous êtes là? Moko hapo. Le pharaon. Premier obstacle. Kizuizo ya kwanza ni wa farao. Le pharaon a une longue expérience. Farao anajua mambo mengi. De soumettre les juifs. Anajua jinsi ya kuketisha chini wa Yahudi. Au point même lorsque Moïse arrive. Wakati Musa nafika. Il essaye de demander de le libérer. Anajaribu kuomba awachilie. Pharaon renforce le juif. Pharaon anazidisha shida. Il dit on va ajouter à vos douleurs. Anasema tutawaongezea uchungu. Ce petit Moïse là, il vient d'où? Kale ka Musa kanatokea wapi kale? Et on a renforcé les souffrances. Wakazidisha mateso yao. Écoutez-moi bien. Sikilizeni. Le diable va faire tout ce qu'il pourra. Shetani atafanya yote ambayo anaweza. Pour t'empêcher d'avancer. Ili kwamba kuzuize usiendelee. Mais lakini tu détiens en toi-même. Ndani mwako nakuwa. Par l'Éternel. Kupitia msaada wa Bwana. Tout le potentiel nécessaire. Unakuwa na uwezo wote wa muhimu. Pour sortir de tous les coups de l'ennemi. Ili kwamba ushinde mbinu zote za shetani juu ya maisha yako. J'aime ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 13. Il dit, aucune tentation vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Et même avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Majaribu yote ambayo nakukuta unakuwa na uwezo. Même avec la tentation. Même quand c'est difficile. Hata kama ni vigumu. Quelqu'un a chanté. Mtu mmoja limba. Même quand c'est difficile. Hata wakati ni vigumu. Je sais que tu es là. Najua uko hapo. Je sais que tu m'en sortiras. Najua utanishindania. Même quand ça sera difficile. Hata wakati itakuwa vigumu. Ne perds pas de vue. Usipoteze. Ne détourne pas tes yeux. Mecho yako. De celui qui est avec toi. Usiachilie kumuona Mungu. Dieu de l'alliance. Mungu wa agano. Le pharaon. Pharaon. Exode 3 chapitre 3 verset 12 à 17. Kutoka 3:12-17. Il arrive en Égypte. Amefika Misri. Et le déploiement des 10 plaies commence. Na fimbo za Mungu zikaanza, fimbo 10. Et l'action de Moïse, mambo ya matendo Musa amefanya. C'est aussi un combat contre les esprits qui sont derrière les actions de Pharaon. Ilikuwa ni kupiganisha vile vile roho zilizo nyuma ya mambo Pharaon akofanya. On pourra revenir sur cela demain quand nous allons parler des attaques spirituelles. Tutayaongelea kesho tunapongelea mashambulizi ya kiroho. Alléluia. Amen. Dans tes avancées, katika kusonga kwako mbele, tu dois faire un effort. Yabidi kujitahidi. De regarder derrière ceux qui paraissent ennemis. Uone nyuma ya ile adui yenye uko naona. Pour repérer les dieux qui sont derrière la chose que tu fais face. Uangalie roho iliyo nyuma ya kibambazi iliyo mbele yako. Si tu regardes aux hommes, ukiangalia na mecho ya kianadamu, tu vas avoir des conflits inutiles avec tout le monde. Utapigana kwa bure na watu. Mais si tu attaques les esprits qui sont derrière ce que tu vis, lakini ukishambulia roho iliyo nyuma ya shida unazopitia, ce que tu vis va disparaître. Yale unayoishi yatatoka. Les diples sont venus. Hiyo pigo 10 zimekuja. Et Israël est sorti. Na Israeli wakatoka. Qu'est-ce qui se passe? Nini imepitika hapo? Est-ce Moïse a pris l'initiative de lui-même? Non. Musa akujituma mwenyewe. Dieu Mungu, qu'on appelle Yahweh, wanapomuita Yahweh, le Je suis, anaitwa lui niko, à Paris, alitokea, et lui a dit va, na limwambia wewe, c'est moi qui t'envoie, ni mimi nakutuma. Bwana sifiwe. Amen. J'ai parlé de trois choses tout à l'heure là. Nimeongelea kuhusu mambo tatu. La proposition de Dieu, iyo Mungu anakuomba, la réponse de l'homme, jibu ya mtu, et l'engagement de Dieu d'appuyer celui qui accepte. Na uamuzi wa Mungu kumsupporti mtu yule. Vous voyez ça ici. Dieu propose une mission à Moïse. Mungu anampatia Musa kazi. Moïse discute et refuse. Musa nakatala. L'invitation divine. Aliko ya Mungu. Finalement, il finit par accepter. Kwa mwisho amekubali. Et quand il accepte, na napokubali, Dieu lui dit, Mungu anamwambia, voici l'appui que je t'accorde. Tizama msaada ambao nakupatia. Le bâton que tu as, fimbo ulionayo, va produire des miracles. Itafanya miujiza. La main que tu as, mkono ulionao, va produire des miracles. Itafanya mastaajabu. Et dans Exode chapitre 6, na katika kutoka verset 1er, moja, il dit, anasema, je vais maintenant commencer à te montrer de quoi tu vas être capable. Nitaanza kukuonesha uwezo ulionao. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens stagnent. Watu wengi wanabaki fasi moja. Parce qu'ils ont peur de la destinée que Dieu a formulée sur eux. Moïse refuse de partir. Simplement parce que Moïse connaît le Pharaon. Il connaît ce que ce n'est pas facile. Il connaît qu'il y a des difficultés là-bas. Il préfère rester éleveur de Jethro. Abaki mchunga nyama za Jethro. Tu peux rater ta destinée. Waweza kukosa kufanya hatima yako. À cause de la peur. Kwa ajili ya woga. Une destinée de gloire. Hatima ya utukufu. Et tu préfères rester éleveur. Lakini unakubali uendelee kubaki kuwa mchunga mangombe. Vous voyez Jethro? Memona Jethro. Un homme riche. Ni tajiri. De toute façon, Moïse a fait 40 ans là-bas. Musa amefanya miaka 40 hapo. Et Dieu insiste. Na Mungu anasisitiza. Dieu insiste. Anasisitiza. Finalement Moïse accepte. Na kwa mwisho Musa akakubali. Lorsque Moïse accepte. Alipokubali. Ou lorsque Moïse finit d'accepter. Musa alipokubali. Dieu lui dit, Mungu akamwambia. C'est bon. Ni vema. Voici la provision. Ona hakiba ninakupa. Et Moïse est capable de produire les 10 miracles. Na Musa akatimiza miujiza 10. Où est-ce que tu tires ça, Moïse? Unatosha mambo wapi Musa? Dieu, Mungu, a proposé une destinée. Aliomba nitoke. J'ai répondu à la destinée. Nilikubali kuyafuata. Et Dieu a déversé le parc. Na Mungu akachililia mambo. Dieu a proposé ma destinée. Mungu aliniomba kufuata hatima. J'ai accepté cette destinée. Nilikubali. Et Dieu a libéré la provision. Na akachililia akiba. On est ensemble. Tuko pamoja. Et tu perçois quelque chose? Je uko na elewa. Ça veut dire aussi. Inamaanisha hivi. Tu peux avoir des interactions avec Dieu. Waweza kuwa na mambo usioeleweka. Mais tant que tu n'acceptes la mission. Wakati haujakubali mission. La destinée. Hatima yako. Dieu, Mungu, ne va pas libérer la provision. Atachilia hakiba. Vous avez suivi les témoignages de nos sœurs? Umefuata ushuhuda wa ndugu zetu? Vous avez vu Christine avec un quoi, mégaphone. Christine alikuwa na mégaphone. En train de préparer le 8 mars. Akianda journée ya le 8 mars. Elle a passé dans toute la cité. Alipita katika mgini yote. Pour appeler les femmes. Akiita wanawake. Et vous avez eu les femmes qui s'agenouillent pour recevoir Christ. Na mumona jinsi wanawake walipiga magoti na kumpokea Yesu. Elle a dit quoi? Nini? Que les choses que nous n'avons jamais vécues, Dieu nous permet de les vivre. Mamba tujawai kuyaona, Mungu ameruhusu tuyaone. C'est vraiment Christine, oui. Ingénieur Christine. Ingénieur Christine. Elle a terminé à l'ISTA. Alimaliza hapa ku ISTA. C'est faisable. Je kwako inawezekana vile vile? Ingénieur Christine? Ingénieur Christine? Une jeune fille? Ni binti. On lui a demandé d'aller parler au couple. Aliombwa aende ongea na wanandoa. Une jeune fille, ni binti mdogo, parler à des mamans, akiongea na wamama na washamuka, prier pour des mamans, anaombea wamama. Je l'ai vu prêcher, nimemwona kihubiri dans cette église là, ndani ya hiyo kanisa, à des jeunes filles, akihubiri mabinti, en train de les défier, akiwachallenge, en elle-même. Akiwasukuma wajiaminie. Où est-ce que tu tires cette force, Christine? Hiyo nguvu, Christine, unetosha wapi? J'ai compris ma destinée. Nilielewa hatima yangu. La proposition de Dieu. Ile Mungu ameniita kufanya. Je l'ai accepté. Nilikubali. Et Dieu a libéré. Na Mungu akachilia nguvu juu yangu. C'est pourquoi Jésus, quand il parle, avant de partir, dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les miracles qui précéderont. Vous Vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Amen. Et donc Dieu a engagé toute sa provision pour soutenir Moïse. Mungu aliachilia hakiba yake yote. Exode 6 verset 1er, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse: Kutoka sita moja Mungu akamwambia Musa, tu verras maintenant. Utaona sasa. Ce que je ferai à Pharaon. Yale nitafanyizia Pharaon. Une main puissante. Mukono mwenye nguvu. Le forcera. Utamshindanisha. De le chasser de son pays. Ili kwamba awachilie toka nchi yake. Verset 2. Mstari wa pili. Ça j'aime. Napenda hiyo. Regardez le verset 2. Kutoka sita mbili. Dieu parla encore à Moïse. Mungu akamwambia tena Musa. Et lui dit, na kumweleza, je suis l'Éternel. Mimi ni wa milele. Pointi. Je suis l'Éternel. Point. Mimi ni wa milele. En d'autres termes, c'est moi qui parle. Ni mimi naongea. Je suis capable. Nina uwezo. De t'amener dans ta destinée. Ya kukubeba katika hatima yako. Je suis capable. Nina uwezo. De te donner toute la provision nécessaire. Ya kukupa je suis capable inayofa, de te faire réussir. Kufanya kwamba ufaulu. Je suis l'Éternel. Niko wa milele. Autrement, je suis Yahweh. Niko Yahweh. Toi tu es qui? Wewe uko na nani? Quel est le Dieu qui marche avec toi dans ta destinée? Mungu ngani anatembea na wewe katika hatima yako? Pour Moïse, kwa Musa, je suis l'Éternel. Mungu anamwambia niko wa milele. Point. Pointi. Dieu parla encore à Moïse et lui dit: Mungu akamwambia tena Musa na kumwambia, je suis l'Éternel. Niko wa milele. Un peu comme un homme a dit dans le parc, ni chassema ni chassema. Et comme jinsi mtu amesema, j'ai déjà dit, c'est tout. Je parlais et c'est tout. Je suis l'Éternel. Niko wa milele. Et ce Dieu-là, c'est ça ton Dieu. Na yule Mungu ndiye Mungu wako. C'est le Dieu qu'on prie ici. Ndio yule Mungu tunaomba hapa. C'est le même Dieu. Ni yule yule Mungu. C'est pourquoi ta destinée est sûre. Tu vas arriver. Utafika. Dis à ton voisin, mon frère, tu vas arriver. Ambia jirani yako, utafika. C'est le même Dieu. Ni yule yule Mungu. C'est le même. Ni yule yule tu. Nous avons des destinées de gloire. Tuna hatima za utukufu. On a des destinées grandioses. Tuna mahatima kubwa. Lumière des nations. Kuwa nuru ya ulimwengu. Porteur de salut. Wenye kubeba aux extrémités de la terre. Mpaka mwisho wa dunia. Je suis l'Éternel. Niko wa milele. Sinjo ila naongea. Vous êtes lumière des nations. Vous êtes porteur de salut aux extrémités de la terre. Je suis l'Éternel. Niko wa milele. Basse. Pointi. Nishasema. Je dis. Mais quand est-ce que le nishasema fonctionne? Wakati gani iyo neno inatumika? Lorsque j'ai compris l'appel de Dieu wakati à me proposer cette destinée, mwito wa Mungu jinsi ananiita kufuata njia fulani. Je l'ai accepté. Ninakubali kufuata. J'ai répondu à l'invitation divine. Nakubali aliko ya Mungu. Et puis Dieu dit, na Mungu ndiye anasema, je déverse. Nina mimina mamlaka. Je déverse les circonstances favorables. Na mimina majira njema. Je déverse la puissance. Na mimina nguvu. Je déverse les grâces. Na mimina neema. Je déverse les dons spirituels. Na mimina karama. Je déverse l'argent. Na mimina pesa. Je déverse les millions. Na mimina milioni. Je déverse. Et puis le signe, je suis l'Éternel. Na natia saini mimi ni wa milele. On peut acclamer l'Éternel. Tumshangilie Mungu. Je suis l'Éternel. Niko wa milele. Alléluia. Je suis l'Éternel. Mimi ni wa milele. Je suis l'Éternel. Mimi ni wa milele. T'as fini. Ok, on va poursuivre demain. Depuis l'Égypte, tangu Misri, jusqu'à Canaan, mpaka Kanana, il y a eu 5 stages. 5 étapes kulikuwa vipengele tano auxquelles nous allons partager ambazo tutongelea et qui nous donnent de grandes leçons zinazotupatia mafundisho kubwa qui vont nous aider zitakaotusaidia à savoir comment nous pouvons avancer jusqu'à terminer notre destinée tujue jinsi tutaendelea ili kwamba tumalize hatima combien j'aime ma destinée. Ninapenda hatima yangu. Combien j'aimerais que tu sois là et que tu vois comment cette destinée continue. Ne meurs pas aujourd'hui. Ne meurs pas cette année. Tu vas voir ma destinée. Et moi, je ne vais pas mourir maintenant. Je vais voir ta destinée. Je vais voir ce que tu deviens dans 20 ans. Ce que tu deviens dans 50 ans. Parce que Dieu ne s'est pas trompé à ton sujet. Les choses sont compliquées aujourd'hui. Il y a des échecs. C'est compliqué. Mais maintenant, lakini, tu es au laboratoire pour décoller. Ili kwamba uruke juu. Et tu vas décoller. Na utapanda juu. Par l'appui de l'Éternel, kwa msaada wa Bwana, tu vas décoller. Nasema utapanda ta vie juu. Ne sera plus la même. Maisha yako haitakuwa ile ile. Et je vais bénéficier na nitafaidia de ta destinée. Hatima yako. Parce que nos destinées sont interconnectées. Mana hatima zetu zimeungana ungana. Tu vas aussi profiter na utafaidia de ma destinée. Hatima yango. Déjà tu as profité. What wanaofaidia? Déjà tu en as profité. Tiari uko na faidia hatima yango. Par cette parole. Kupitia neno hili. Si tu la captes bien. Ukishika vizuri. Tu vas voir la gloire de Dieu. Utaona utukufu wa Mungu. Le panier des offrandes passe. Vikapo vya sadaka vinapita. Et nous mettons dedans notre offrande. Na tuweke sadaka zetu humo. Et nous allons bientôt commencer à prier. Tunatamani kuomba Mungu. J'aimerais peut-être m'arrêter ici pour qu'on puisse pas courir. Ningelisimamia pale kama tusisonge mbele zaidi. Nous avons le temps. Tuna wakati. Si on finit pas, on va prolonger. Na kama tumalize, tutazidisha, tutendelea. Je voulais que demain nous parlions des attaques spirituelles contre nos destinées. Ningelitamani kesho tuongelee kuhusu vita vya kiroho juu ya hatima zetu. Parce qu'à part les réalités humaines, zaidi ya hali za kianadamu, les réalités de notre mentalité, hali za akili zetu, les réalités de notre environnement, hali ya mazingara yetu, qui nous font stagner, inayofanya kwamba tubaki fasi moja, et qui sont des attaques cachées du diable, na ambayo ni vita vya shetani. Parce que le diable qui arrange toutes ces choses compliquées, anatia ile mambo yote, pour nous empêcher d'avancer. Ili kwamba tuzuize kuendelea. Tout en se cachant. Anapojificha. Afin qu'on puisse pas l'attaquer. Ili kwamba tusimshambulie. Mais il y a ce tableau des attaques ordinaires. Kuna hiyo ubao ya vita vya kawaida. Humaine. Vya wanadamu. Sociopolitique. Za kisiasa, socio-économique. Za kifesa. Qui nous font stagner. Anafanya kwamba tubaki fasi moja. Regardez. Tizameni. Tu as mal étudié. Soma vibaya. Tu n'as pas eu la grâce d'aller dans une bonne école. Au kusoma katika masomo mazuri. Et donc tu n'es pas assez formé. Inamaanisha hauna adibisho ya juu. Vous allez répondre à un test d'emploi quelque part. Unakwenda kujibu kwa mashindano ya kazi. Ceux qui ont bien étudié. Waliojifunza vizuri. Ou un bon cursus d'études. Waliosoma kwenye masomo mazuri. Bien, wanajibu vema. Et ils sont engagés. Na wanapokea kazi. Mais vous avez le même diplôme apparemment. Munakuwa na cheti moja. Toi tu as licence à droit, l'autre c'est licence à droit. Nyote munakuwa na cheti katika sheria. Soit licence en économie, l'autre aussi est licence en cheti économie. Cheti za uchumi. Mais ta licence en économie. Lakini cheti yako ya uchumi. Est creuse. Inaoza. Creuse, vide. Hakuna kitu ndani. C'est creux. Inakauka. La licence en économie de l'autre. Ya huyo mwingine cheti yake. Est pleine. Inaja des connaissances, ujuzi ni des tele, capacités, na mamulaka. Devant un test, mbele ya mashindano, toi tu échoues, wewe unashindwa, et ce n'est pas la dernière fois d'échouer. Na haiko ya mwisho yako kushindwa. Tu échoueras demain aussi. Kesho tena utashindwa. Pendant que lui va déjà briguer deux postes, deux mandats, etc. Wakati atakuwa tayari amepanda macheo. Avec le même diplôme de licence. Na hiyo hiyo cheti. Toi tu seras encore en train de rédiger une lettre pour Cotampo. Utakuwa ukiandika andika tu. Qu'est-ce qui te fait stagner? Nini nafanya kwamba ubaki? C'est l'attaque socio politique ou économique. Ni vita ya siasa que l'ennemi a initié. Shetani ameiweka. Pour t'arrêter. Ili kwamba kusimamishe. Pourquoi tu n'es pas allé dans les bonnes écoles? Kwa nini hukwenda katika masomo? Tu n'avais pas d'argent. Hukukua na pesa. Il a frappé sur l'économie de ta famille. Alipiga uchumi wa jamaa. Pour que tu étudies dans de mauvaises conditions. Ili kwamba usome katika masomo mbaya. Afin que quand tu iras présenter des tests d'empoche. Ili kwamba unapokwenda kufanya mashindano ya kazi usipite. Et que ta vie se limite là. Na maisha yako isimamie hapo. Ce sont des attaques qui sont comme normales. Ni vita vinaonekana kuwa kawaida. Qui sont dans notre environnement. Vinakuwa katika mazingira yetu. Et on tombe victime sans le savoir. Lakini tunakuwa tukiteseka nayo bila kujua. Justifie même. En fait, personne n'est ennemi. Personne ne t'a fait du mal. Hakuna mwana kufanyia mabaya. Globalement, c'est ça que tu penses. Na niyo ndio nawazia. Mais tu n'avances pas. Lakini uendelee. Jusqu'à ce que tu comprennes. Hadi wakati utakapoelewa. Qu'il faut vaincre cette stagnation. Ya kama inabidi kushinda hiyo kusimama. Soit tu rentres à l'école. Unaporudi kwa masomo. Soit tu prends des cours supplémentaires de renforcement. Ama unapojifunza tena makosi fulani fulani. Soit tu inities tes propres activités de créer ton entreprise toi-même et vas-y. Wewe mwenyewe unaunda. Avec le niveau que tu as. Makampuni kulingana na uwezo ulionao. Et la solution à ce niveau-là, Najibu hapo, c'est notre mode opératoire. Inakuwa ni namna yetu, c'est notre système de pensée. Ya kuwaza na kutumika. Mais il y a des attaques kuna vita vingine, qui sont purement spirituelles ambavyo ni vya kiroho, et qui atteignent même celui qui a étudié à la bonne école, na zinafikia hata yule aliyesoma kwenye masomo mazuri, qui atteignent même celui qui avait beaucoup d'argent pour aller étudier en Occident. Inashambulia yule aliyekuwa na pesa na kusomea Ulaya. Mais il se retrouve lui aussi. Lakini na najikuta. Il ne sait rien faire. Afanye kitu. Il fait le test. Anapima mashindano ya kazi. Mais le jour du test, siku ya mashindano, il a des vertiges. Anakuwa na maumivu ya mwili. Et quand on interroge, wanapo mufanyisha mashindano, il y a un balai qui passe dans la tête. Kifyagio napita mkichwa. Il oublie tout ce qu'il connaît. Anasahau vyote. Quand on ferme la porte pour sortir rentrer à la maison, wanapofunga mlango ili kwamba toute la matière revienne. Yote il se rappelle de toutes les réponses. Anakumbuka sasa majibu zote. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Nini mekufikia? Il y a des attaques. Kuna vita spirituelles. Vya kiroho. Qu'il faut aussi vaincre. Ambazo inabidi kushinda. Donc frère sœur, kaka dada, je résume. Nafanya on va continuer demain. Tuendelee kesho. Tu as besoin wahitaji de savoir que tu es destiné. Kujua kwamba et aimer cette destinée. Una hatima na upende hatima yako. Cette destinée est conçue par l'Éternel. Ni Mungu ameunda hatima hiyo. Si tu lui réponds positivement, unapojibu vema, il va passer au troisième étape. Atakubeba kwa kiwango cha verser. Kumimina tout ce qu'il faut. Yote nayofaa. Pour que ta destinée réussisse. Ili kwamba hatima yako ifaulu. C'est à ce stade que nous sommes. Kwa hiki kiwango ambapo tuko. Deuxièmement, jambo la pili. Il y a des attaques kuna vita contre nos destinées qui viennent à trois niveaux. Zinakuja kwa viwango tatu. Au niveau spirituel, kiro, au niveau mental, kwa hali ya kiakili, ou opération, ou dans notre système de pensée, kiakili, et puis qui viennent aussi au niveau opérationnel. Na kwa namna yetu ya kutenda. Vous avez vu certaines fois qu'il vous arrive. Kuna munde vous êtes fulani. Intelligent. Unakuwa na akili. Vous concevez bien les choses. Unaelewa mambo et vizuri. Vous initiez une bonne affaire. Na unaanza kazi fulani. Mais quand vous le faites, unapoifanya, c'est comme s'il y a quelqu'un qui frappe sur ça chaque jour. Ni kama jinsi pana mtu anaipiga fimbo juu. Tu as planté un champ. Ulipanda shamba. C'est vraiment la saison. Ni muda wa kupanda. Mais quand tes maïs commencent à faire sortir les on appelle ça quoi? Les fleurs. Wakati mindi yako inaanza kutosha mandevu. Mandevu ou les barbes. Quand les maïs commencent à sortir les barbes. Wakati mindi inaanza kutosha mandevu. C'est seulement dans tes 3 hectares là. Ni kwa hiyo tu sehemu yako ya udongo. Les insectes viennent. Ambapo vidudu vinakuja shambulia. Et les insectes mangent ces barbes là avec beaucoup d'appétit. Na vidudu inashambulia mandevu yote na kuinyonya nyonya. Or, c'est ces barbes là. Ijapokuwa ni hiyo mandevu. Qui vont attraper les pollen. Njo itagusa hiyo mapollen. Qui doivent recevoir les pollen. Ambayo qui tombe. Ingelipokea pour la fécondation mambo inayopatia mindi afya ili kwamba ikomae ça descend sur ses barbes et ça entre dedans hiyo mboleo inashuka juu hiyo mandevu na inampatia mboleo et tes gousses produisent des beaux grains ili kwamba izae vizuri. Tu as un grand champ, una shamba kubwa, tu récoltes zéro lakini auvuni kitu. Quelqu'un qui n'a pas de difficultés spirituelles, mtu mwenye na shida za kiroho, des attaques sur ses actions, vita kwa ajili ya mambo anayofanya, il a juste 50 sur 50. anafanya ajue asili makumi tano. Il récolte 20 sacs de maïs. Lakini anakuwa na mifuko makumi mbili. C'est des attaques ya miindi sur nos actions. Ni vita juu ya makazi zetu. Vous avez vu ça? Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Je mnajua hiyo. Ça vous arrive? Inawafikiaka. Des attaques sur vos actions? Vita juu ya mambo mnafanya. Tu as une bonne idée, je vais ouvrir une quincaillerie. Una wazo ya kufungula. Depuis que tu as ouvert la quincaillerie. Tangu umefungua hiyo hiyo duka la vitu. Je ne sais pas si c'est Dieu ou Satan. Sijui kama ni Mungu ama Shetani. Tu as dit je vais mettre dans un quartier où il y a personne. Sema nitatia katika kata ambapo hakuna mtu mwingine. Dès que tu ouvres katindo. Unapofungulia katindo. Tous les voisins. Wajirani wote. Ouvre des quincailleries. Wanafungula makinkailleries. Et puis ils ont plus d'argent que toi. Kisha wanawina zaidi yako. Bango bakakolaka. Ils réduisent les prix. Wao wanashushaka bei. Et tes produits restent là. Nabitu yako inabaki hapo. Les bailleurs viennent prendre le premier loyer. Mwenye nyumba anakuja kukulipisha. Jusqu'à ce qu'il va finir le capital. Ananza... Si tu ne comprends pas, attends que je suis attaqué dans mes actions. Le bailleur mangera la quincaillerie. Inafikia unakosa pesa mpaka mwenye nyumba anakuombesha. Il va manger ça par le loyer. Maana inabidi ulipe nyumba. Tes actions sont attaquées. Kazi zako zinashambuliwa. Alors qui doit interagir avec ces réalités là? Nani mwenye tapigana na hiyo mambo? Un guerrier. Mupiga vita. Dit guerrier. Sema mpiganaje vita. Dit guerrier. Mupiganaje vita. Levons-nous. Tusimame. Il y a des réalités dans ta vie. Kuna ukweli fulani kwa maisha yako. Ce soir, jioni ya leo. Qu'un guerrier doit attaquer. Ambazo mpiganaji vita tashambulia. En tant que guerrier. Wewe kama mpiganaji vita. En tant que guerrier. Wewe kama vile mpiganaji vita. On n'a pas pitié de soi. Hakuna huruma juu yako. Les guerriers n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Wapigana vita wakwake na huruma juu yao wenyewe. Il peut même entrer dans un kichaka des épines. Anaweza kuingia hata nafasi ambapo pana miba. Il est guerrier. Ni mpiganaji vita. Il va sortir même sans être blessé. Na anaweza katoke humo hata bila kuumia. Même si il est blessé. Hata kama ameumia. Il saura plusieurs heures plus tard. Atakuja kutambua kama ameumia baadaye. Parce que son cœur est attaché à l'objectif. Mana roho yake inasisitiza. Il est prêt à tout pour l'objectif. Inahitaji kufikia lengo. Est-ce que tu es prêt? Je upo tayari. Quel est l'objectif de ta vie? Lengo ya maisha yako ni gani? Tu es prêt à quoi? Uko tayari kwa kufanya nini? Tu as pitié de toi? Je unakuwa unajisikia huruma? Cesse d'avoir pitié de toi. Acha kujisikia huruma. Prions le Seigneur. Hebu tusimame sote pamoja.